Notre temps. Le crucifix reluit sur une table verte. Des échevins en noir siègent au tribunal. Ils citent au barreau notre temps, le brutal coupable de révolte et de menaces ouvertes. L'accusé fait défaut, le temps n'a pas de temps pour arrêter sa course au palais de justice. On l'attend plus d'une heure, il va toujours plus loin. Encore d'un avocat fait-il le sacrifice. N'insultez pas au temps, c'est insulter à vous. Le temps, c'est un blanc feuillet où la plume se pose. Ce papier sans défaut, vous le remplissez tous. Si c'est avec la boue, en peut-il quelque chose? C'est une coupe pure au transparent cristal. Si vous buvez le vin, n'y versez point de lie. C'est un palais exempt de la mélancolie. Vous, une fois dedans, des fous, c'est l'hôpital. C'est un riche guéret. Vous semez des chardons et vous êtes surpris de n'y trouver des roses. César, dans ce guéret, fit d'immortelles choses, mais il est assez grand pour sauver les poltrons. C'est la lyre muette aux doigts d'un vil racleur. Chiens et chats vont hurler dans tout le voisinage. Touché comme Amphion à sa corde d'honneur, la pierre prendra vie au rocher du rivage. Anastase Grün. La muse inspiratrice des chants de Grün est une jeune femme indépendante, fière, qui croit trop à l'avenir pour se plaindre du présent, dont l'œil possède la clairvoyance des pythonisses et qui ne craindrait pas, à l'occasion, de revêtir le casque et la cuirasse. Monsieur Martin. Le matou épouseur. Le matou vint chez le renard. « J'ai soif, dit-il, de mariage. Je veux fixer mon pur regard sur une femme à la fleur d'âge. Mais je suis d'une qualité si beau de corps, de barbe et d'âme, mon cœur battant à mon côté, qu'une chatte est peu pour ma flamme. Je ne veux pas d'un avorton, indique un fameux rejeton. Là, cette femme au firmament, qui brûle tout ce qu'elle envie et prête à tout son aliment, et donne à tout lumière et vie. Les cierges ne sont rien auprès, au feu de joie on la préfère. Vraiment la fille a du succès. Une étoile, c'est mon affaire. Dis, sais-tu plus beau rejeton? Je ne veux pas d'un avorton. Je trouve un parti plus brillant, c'est la nuée au vol sublime, quand sur l'étoile elle descend puis la recouvre de sa cime. L'étoile qui perd sa beauté n'échauffe plus et plus n'éclaire. Vrai, je suis pris du bon côté, une nuée, ô bonne affaire. Dis, sais-tu plus beau rejeton? Je ne veux pas d'un avorton. Mais une brise fait assaut et dissipe au loin les nuées, qui sortent de leur doux repos par l'air une fois remuées. Un souffle les déchirant d'eux, leur sort est hélas bien précaire. Vrai, le parti serait heureux, la brise ferait mon affaire. Dis, sais-tu plus beau rejeton? Je ne veux pas d'un avorton. Il est une femme en tout temps bien plus puissante que la brise. C'est la muraille d'océan. Sur ses côtes souvent se brise Monsieur le Vent avec ses fils. La muraille demeure entière. Vrai, cette fille m'a conquis. Une muraille est mon affaire. Dis, sais-tu plus beau rejeton? Je ne veux pas d'un avorton. La muraille au triple verrou tombe au piège d'une bestiole qui va se creusant trou sur trou. Et la muraille par bricole entraîne tout le bâtiment. Cette bestiole doit me plaire. Son museau me paraît charmant. Une souris, c'est mon affaire. Dis, sais-tu plus beau rejeton? Je ne veux pas d'un avorton. Ne sais-tu pas que la souris tremble à l'aspect de ta cousine, qu'au milieu des festins de prix, elle détale vers sa mine, et vit en son trou ce tapis dès que ta cousine la flaire? Vrai, cette femme me sourit. Une chatte, c'est mon affaire. Adieu tout autre rejeton, je veux épouser un chaton. Va, Carnagle. Tu réveilles ta maîtresse, Minette, par tes longs cris. Est-ce la faim qui te presse? Entends-tu quelques souris? Tu veux fuir de ma chambrette pour courir je ne sais où. Mia, miaou, que veut Minette? Mia, miaou, c'est un matou. Béranger. Le salaire du ménestrel. Frédéric à la barbe rousse donnait un brillant tournoi. Les lances heurtaient leurs secousses. Aux écus en désarroi, et des mains blanches tombaient les prix comme avalanche. Les joueurs de la douce viole et les jongleurs séduisants amassaient dans la fête folle ample moisson de présents et dans la salle recevaient habits et cavales. Notre empereur était à table entre deux savants fameux, passé maître dans l'art louable d'expliquer les cas douteux. Il vint à dire « Mes amis, voyez mon empire. Tout s'incline devant mon glaive, tout se courbe sous ma main. Tous mes projets, je les achève sans obstacle du vilain. Mon atmosphère souffle la paix, souffle la guerre. Dites, est-ce la Providence qui me revêt du pouvoir ? Aurait-elle à notre puissance montré tant de bon vouloir? Est-ce un dommage si la terre nous rend l'hommage? Votre volonté m'est divine, dit à gauche le savant. Qui vous craint vers Dieu s'achemine, Dieu vous garde main servant. Il vous couronne, il veut qu'à vous tout s'abandonne. Malheur, malheur sur sa parole, dit à droite le jongleur. Malheur si la vaine gloriole pouvait toucher votre cœur. Prêtez l'oreille, maître, au sage qui vous conseille. Vos droits sont ceux de la justice, vos torts ne sont pas des droits. Dieu conféra main bénéfice au peuple ainsi qu'au roi, mais sa balance à personne ne fait d'avance. Si de la part de droit qu'à l'homme vous retenez un seul grain, vous méritez que l'on vous nomme un funeste souverain. Le grain de sable criera « Malheur sur le coupable !» Frédéric, au barbu visage, pensif, répondit ces mots. À droite un sage, à gauche un sage, et tous les deux mes flambeaux. De leur science, je vais dire la récompense. Toi qui m'as dit que la justice peut chanceler près des rois, pour rémunérer ton service à dicter trois de mes lois, je te convie. De m'en blâmer, nul n'a l'envie. Toi qui me dis que mon audace, Dieu l'approuve dans le ciel, la main des rois, pleine de grâce, t'ouvre ses ruisseaux de miel, dans la grande salle, reçois vêtements et cavales. Va, Carnagle.